Au beau temps passé, ce qui nous faisait danser, c'était le violon passionné. Le brave piano, maintenant rococo, recoulait amoroso. Au café de la paix, devant un sorbet, le violoncelle nous charmait. Et nos grands-mères en soupirant, se laissaient bercer par leur chant. Maintenant, c'est depuis le bal musette, l'accordéon, l'accordéon, qui est le roi de toutes les fêtes. L'accordéon, l'accordéon, chez le gars du milieu, chez la marquise, mon vieux, c'est merveilleux. On danse à petits pas en se tenant à plein bras la même java. À Montmartre, aux Champs-Élysées, accordéon, accordéon, chez le président à l'Élysée, accordéon, accordéon. On en jouera bientôt, je gage, aux enterrements et aux mariages. Ah, quelle obsession, cet accordéon, oui, la colle accordéon. Cet accordéon-là devient l'au-delà, pique la grippe ou le choléra. On le retrouve partout, sans cesse on en joue, c'est vraiment à devenir fou. Quand un jeune amant veut sincèrement une belle aux appâts troublants, il rêve tout en blanc d'amour, de sa poitrine faite autour. Mais que trouve-t-il sous la chemisette? Accordéon, accordéon, car elle n'exhibe la fillette qu'accordéon, qu'accordéon. Derrière, côté, devant, sont tout aussi navrants, c'est désolant. Sa cascade, ça se débine comme quelqu'un qui se débine de la poitrine. Et le gars des espoirs suprêmes dit non de non, dit non de non. Je me sens devenir moi-même accordéon, accordéon. Faudrait pour empêcher que ça plisse mettre une épingle de nourrice. C'est une obsession, quelle situation, c'est à cause d'accordéon. Et cette contagion prend des proportions vraiment hors de proportion. Les principes, adieu. Les scrupules, c'est vieux. L'honnêteté, plus de jeu. Le char de l'État va qu'à un cara. C'est pour cela qu'il ne va pas. Et le contribuable se dit, un beau jour, ce sera fini. Amour, amitié, vieilles idoles, accordéon, accordéon, conscience, doctrine et symbole, accordéon, accordéon. L'impôt maintenant devient une sorte d'impôt de vin, c'est trop certain. C'est le siècle de la combine, ça nous mène à la ruine, ça se devine. Les consciences se plient, se déplient, accordéon, accordéon, car sa musique est si jolie. L'accordéon, l'accordéon, si un jour la corde trop lasse se détend, même si elle casse, nous serons les couilles. Mais nous rejouerons de la corde, l'accordéon.